perdu la lumière. Difficile de respirer. L'air est chargé de poussière. On ne vole plus. C'est quand l'horizon devient linéaire que le possible est perceptible. Et qu'il se dérobe tout au bout de nos doigts. Petite place au soleil de l'avenir.